Beezy. Melody, Melody, yo, Melody. Je dis bête tout est à ma speaker. Check comment? From Paris, il peut play fashita. Istolo, istolo. When you hear, make you follow tincha. My yeah, yeah, yeah. If you hear, make you follow tincha. Busy. Ça fait un time que ta taille est ma mika. Aïe, t'es chichi, fais pas ta riri. Oui, baby, tu m'as mika. Yeah. T'es mal à go là-bas, le beau baraba. T'es mal à go là-bas, le beau baraba. J'suis Naija, j'suis Denja, j'fume la ganja. J'fais bouger les bandas d'ici au Rwanda. C'est l'Orti, c'est Wanda et tout le ganga. On prend tout, on laisse rien, on fait comme ma baby de ghetto. Baby love vient du ghetto. Pour toi je sortirai les métaux. Je t'aime mi amor. Ghetto. Bébé j'suis ghetto. Pour toi je sors les métaux. Bébé j'suis ghetto. Ghetto. Bébé j'suis ghetto. Pour toi je sors les métaux. Bébé j'suis ghetto. Ghetto. Ghetto. Oh,